Avec moi, j'ai le dépisteur-chef des Saguenay de Chicoutimi, Daniel Demers. Bon après-midi, Daniel. Bon après-midi. Daniel, si on parlait du repêchage, satisfait? Très, très, très satisfait. On avait une stratégie, puis ça a très bien marché. Ça a très bien réussi. Les joueurs qu'on avait mis à différentes rondes, ils ont sorti ce qu'on pensait, puis en deuxième ronde, on a monté deux joueurs exceptionnels. On était très contents. Est-ce que Théo Rochette, lorsque ça a commencé à sortir dimanche, il y a du monde qui ont dit il vient brouiller les cartes, celui-là. Est-ce que dans votre plan, c'était Rochette ou c'était la pierre tout de suite et vous n'avez rien changé? Bien, disons que ça. Nous, on était contents parce que Théo Rochette qui a décidé de jouer dans la ligue junior majeure du Québec, c'était un plus pour tout le monde. T'sais, c'était un joueur meilleur. Mais honnêtement, on ne pensait pas qu'il était plus rendu sur le taux de pic. On a essayé de s'avancer, on a essayé de faire une coupe d'affaires et s'avancer, mais après ça, on a regardé et on a dit. Selon nous autres, il va être là à ce pic-là. Ça a fini comme ça. Est-ce que, si on parlait maintenant des autres joueurs, Lapierre, on lui a parlé, c'est un excellent joueur. Ouais. Rochette, on dit que c'est probablement le meilleur joueur du repêchage. Est-ce que vous connaissiez Rochette avant? Rochette avant, on avait eu beaucoup de rapports sur lui. Okay. On avait été en Europe. Disons qu'on a fait nos devoirs sur lui. Ça fait depuis 2-3 mois qu'on entendait parler que la famille travaillait pour s'emmener jouer au Québec. Puis on le savait. On avait commencé à. On avait des gens là, on a des gens en Suisse qui ont déjà travaillé pour l'organisation. Fait qu'ils ont beaucoup filé sur lui. Mais on était très bien préparés. OK. Y a-t-il un 14 rondes? Y a-t-il un joueur qui sortirait de nulle part, qu'on entend? Vous avez repêché en 2e, 3e, 4e, 5e ronde, même 8e, 9e, qui pourrait brouiller les cartes? C'est une carte cachée, là. Disons que ça peut être n'importe quel des autres. Vincent Labanque, qu'on a parlé tantôt, c'est un choix de 9e ronde. Comme Yannick dit, les rondes, ça compte aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ça compte plus. Tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité. Puis ils laissent faire leur devoir et d'arriver prêt pour le camp. C'est pas un peu comme dans la Ligue nationale que le dépisteur travaille fort. Ça marche pas un peu comme ça? Ben oui. Pour pousser son joueur, là. Ben, disons que nous, on travaille pas par région. On a cinq dépisteurs un peu partout au Canada, la province de Québec, je veux dire. On a un des Maritimes. Ils jouent au-dessus de 300 matchs par année. Les gars, ils approchent les joueurs qui aiment beaucoup. Puis, par la suite, on fait 4-5 réunions par année. On fait des listes, des entonnoirs. Jusqu'à vendredi soir, là, on a vraiment finalisé notre liste finale. Ouais. Puis c'est là qu'on a décidé de. Parlons-en justement là, de la logistique d'un repêchage. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a du travail en arrière. Il y a beaucoup d'assignations, j'imagine. C'est combien d'heures, là? De la fin de l'année des Saguenay à aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail. Comme j'ai dit, moi, je commence à. Dans mon cas, là, le dépisteur-chef, là, comme là, c'est fini après-midi, mais lundi matin, j'ai le repêchage des joueurs américains. Après ça, après le repêchage des nationales, on a le repêchage des joueurs européens. Le mois de juillet, on se repose, mais en août, on recommence, c'est le camp d'entraînement. Puis là, on a une autre période de transaction à voir. Puis ça commence en août, puis ça finit pas. On va au-dessus de 300 matchs par année. On va des Canada, Maritime, Europe, États-Unis. Mais on a beaucoup de gens qui travaillent avec nous autres. J'ai une équipe de recruteurs exceptionnelle. Comment vous êtes de recruteur? On est 5 recruteurs. OK. Puis on a Renan Neptune qui nous aide beaucoup et Danny Corneau également. Fait qu'on est vraiment Saga qui fait du recrutement. Si je regardais la logistique également, il faut être prêt. Hein? Parce que moi, j'ai remarqué, mais à partir de la première ronde, OK, ça va lentement parce qu'il y a la télévision, mais à partir de la deuxième ronde, ça va vite. Oui. Donc, j'imagine que. Faut être prêt, là. C'est pas l'heure d'assassiner, là. Non, c'est pas l'heure d'assassiner. Puis, disons que les discussions qu'on a eues, faire nos listes, comme on dit, là, ça a été fait. Puis nous, c'était notre 5e meeting hier soir qu'on faisait. Puis moi, ça fait plus de 14 ans que je fais ça, puis je suis bien entouré. Mais l'assassinage, quand on arrive aujourd'hui à la table, il n'y a pas d'assassinage. S'il y a une décision finale que je vais apprendre, puis s'il y a quelque chose, Yannick, il va me supporter, tout ça. Il me supporte, il me donne carte blanche dans tout ça. Puis honnêtement, ça va super bien. Quand il y a eu des transactions, je trouve, au repêchage également. Ça, est-ce que Yannick vous consulte dans ça? Ah oui, Yannick. Je le fais dessus, je le fais pas. Ouais, Yannick travaille beaucoup en équipe. Okay. C'est un gars qui travaille beaucoup en équipe. On est tous consultés. Tout le monde a son mot à dire. Comme vous dites, ça va super vite. Là, des fois, dans la même ronde, on peut faire 2-3 transactions. Fait que, c'est exigeant. C'est une grosse journée, mais. Là, on est bien content, travail accompli, on prend notre petite bière, on est super contents. 14, la dernière question, 14 rondes. J'ai dit, c'est long, c'est très long. Est-ce qu'on devrait peut-être limiter ça à 10 et le reste comme des joueurs autonomes? C'est ça. Ben, cette année, surtout cette année, que ouais. ce qu'on a fait de nouveau, c'est que les deux joueurs américains que chaque équipe doit prendre, ils ont décidé de faire ça le lundi matin. Ça veut dire que cette année, c'était un 14 nombre de joueurs du Québec. Okay. Fait que c'est vraiment 16 rondes de repêchage. Parce que là, on est rendu dans le juvénile. On est rendu loin. Ah non, comme vous avez vu, le risque scolaire, c'est de plus en plus grandissant. Puis c'est rendu de plus en plus fort. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs scolaires également qui sortent. Fait que pour ça, ben, ça prend du monde de plus en plus scout disponible. Puis les gars, ils travaillent partout. Tous les gars, on est repêchés. On les voit 10, 30, 40 fois. Tout le monde a ses yeux dessus. Puis c'est comme ça. Ben, merci beaucoup. Bonne chance avec vos sélections. Merci beaucoup. Voilà.